Conan Mériadec, chronique bretonne, par Hippolyte Etienez. Enregistré par Christiane Johan. 1. À l'extrémité d'un promontoire de la partie méridionale de l'île d'Albion, on voyait un grand feu de branches sèches, dont la flamme, balancée sans cesse par le souffle du vent du nord, s'inclinait et se redressait comme une personne assise qui sommeille. Autour d'elle, et à sa clarté, car c'était pendant la nuit, on pouvait distinguer un groupe d'hommes couchés sur le roc et la face tournée vers la mer. Leurs bras et leurs jambes étaient nus, le reste de leur corps était négligemment enveloppé d'une espèce de vêtement formé de peau de bête qui en cachait à peine la nudité. Ils avaient les membres et la poitrine d'une blancheur éclatante, mais tatoués de différentes figures d'arbres ou d'animaux auxquels ils avaient donné une couleur bleuâtre en infiltrant du pastel dans l'incision. Une longue et blonde chevelure flottait sur leurs épaules et de grandes moustaches descendaient de leurs lèvres supérieures. Lorsqu'ils faisaient un mouvement, soit pour rejeter leurs cheveux en arrière, soit pour changer de position, on voyait reluire à la clarté du feu les nombreux anneaux qui couvraient leurs doigts. La nuit était profonde. Autour d'eux, dans les ténèbres, à peine distinguait-on les derniers arbres d'une immense forêt qui se balançait majestueusement, et quelques rochers aigus et élevés qui se détachaient en pointes noirâtres sur l'horizon gris du ciel. Ces hommes causaient, et leurs paroles graves et lentes se mêlaient aux cris lointains des oiseaux nocturnes, au clapotement de la mer sur les cailloux de la grève et au bruissement du vent dans le feuillage. L'un d'eux surtout, remarquable par la vigueur et par la grâce de ses membres, par l'expression sauvage de ses traits, par la beauté sonore de sa voix et par l'éclat d'un superbe collier en or qui témoignait de la puissance et de la considération dont sa famille jouissait dans le pays, captivait le silence et l'attention. « Amis, leur disait-il, en les leur montrant du doigt, vous voyez ces gros nuages noirs qui passent au-dessus de nos têtes et s'avancent si lourdement vers le sud. La nuit prochaine, ils crèveront en pluie sur les tombeaux de nos ancêtres. Car c'est de l'Armorique, de cette partie occidentale de la Gaule, qui pénètre le plus avant dans les eaux du grand océan, que des hommes hardis, cherchant des aventures et de nouveaux climats, partirent et vinrent les premiers habiter cette île, sur laquelle ils déposèrent leurs huttes et leur postérité. « Ceci est bien vieux, Conan, » dit un des jeunes gens couchés autour du feu. Car mon trisaïeul, qui existe encore, ne se rappelle point en avoir entendu parler à son père. Comment le sais-tu, toi ? En effet, leur émigration se perd dans la nuit des temps. Mais vous le savez, frère, il y a peu d'années que j'ai reçu le baptême du christianisme, et mon père me fit élever loin de lui, dans les bocages sacrés, où les druides et les druidesses m'enseignèrent de vive voix l'histoire des hommes et des dieux. Sans doute, demanda un jeune breton, ils furent plus heureux que leurs fils, car ils demeurèrent libres. Eux, oui, tout entiers à leurs chasses et à leurs pêches, ils vécurent longtemps ignorés, n'ayant avec le reste des hommes que des relations de commerce. Mais bientôt, des soldats ambitieux, cherchant au sein de tous les peuples les trésors que leur insatiable cupidité ne pouvait trouver en assez grande abondance chez eux, partirent à leur tour et vinrent s'emparer de nos pays. Il y a 4 siècles environ que Rome, cette nation puissante de l'Orient, où chaque matin se lève le soleil, tourna le front de ses cohortes vers notre terre, encore vierge des sandales étrangères, et leur donna le signal du départ. Un nommé César marchait à leur tête. Soit par ruse, soit par habileté, soit par terreur, il eut bientôt soumis à ses armes la Gaule entière. Alors il songea à nous, et, après un sanglant combat sur mer contre les Vénètes armoricains, il descendit dans l'île d'Albion. À lui, ami, nous devons l'origine de tous ces tribus que nous payons servilement à cet odieux empire. À lui, nous devons la honte. À lui, nous devons l'esclavage. Haine, haine à tous ces Romains. Haine, haine à tous ces Romains, s'écrièrent à la fois les jeunes Bretons enflammés par ce récit. Plus tard, un nommé Claude, enviant le surnom de Britannicus, vint nous arracher de nouveau la liberté que nous avions reconquise. Orgueilleux usurpateur auquel notre roi Caractacus, qui l'emmenait prisonnier à Rome, ne pouvait cacher sa surprise de ce que le possesseur de si beaux palais fût venu s'emparer de si chétives cabanes. Un murmure de colère accueillit ces dernières paroles. « Oh ! Continua Conan, écoutez, écoutez encore. Quelque temps après, un de nos rois, Razoutagus, craignant pour son peuple la cruauté du nouvel empereur Néron, lui donne en mourant toute sa fortune et lui confie sa famille. Mais le monstre, en reconnaissance de ce don et de cette confiance, livre la reine veuve, Boadicea, et ses deux filles aux outrages de ses soldats. Infamie, infamie ! Indigné d'une pareille lâcheté, reprit Conan avec une froideur affectée, cette femme, qui avait le cœur grand et généreux, ne rêva plus que vengeance. Elle eut bientôt assemblé un grand nombre d'amis qui battirent et maltraitèrent les troupes romaines. Mais Paulin, général de Néron, reprit sur nous une terrible revanche. 80 000 des nôtres furent massacrés. Et depuis ? Depuis, nous avons toujours été esclaves et employés à repousser vers le nord de l'île ces hordes calédoniennes, connues sous le nom de Pictes et de Scots, qui venaient piller le pays. Un long silence succéda à cette dernière narration, et l'on entendit pendant quelque temps que le crépitement du feu et les bruits ordinaires de la nuit. Enfin, continua Conan, il faut qu'un dernier affront comble notre honte. Mon oncle Octavius, le roi qui règne à Caer Lud, Londres, sur le fleuve Tamisis, vient de donner son royaume et sa fille à un général romain. En vain, les prêtres du pays, en vain, les grands de la cour m'ont conjuré d'étouffer mon ressentiment. J'ai mis bas les armes à leurs prières, mais il reste au fond de mon cœur une haine implacable contre Maxime. Oh, si je trouvais encore de braves amis pour me seconder dans mes projets ! Pour qui nous comptes-tu donc ? Répondit vivement un jeune homme nommé Gralon. Je puis disposer pour toi de toute la jeunesse de Bangor, où commande mon père. J'ai à ta disposition, s'écria un second, appelé Fragan, tous les braves guerriers de la ville d'Eborac, York, où est mort l'empereur Sévère. Veux-tu, dit un troisième, que je t'amène tous mes hommes de Vitonie et de Saroum, dont le pays s'étend jusqu'à la mer, l'océan ? Demande-moi, ajouta un autre, tous les braves jeunes gens des bords de l'Imbre, qui vont nus et couchent sur le roc, quoiqu'ils habitent la partie la plus froide de l'île. J'accepte, frère, répondit Conan en se redressant de bonne heure sur son séant. Puis, fixant vers le ciel un regard plein d'espérance, « À nous deux, Maxime » s'écria-t-il. Pendant cette conversation, le feu, étouffé par les branches affaissées, ne donnait plus qu'une faible lueur. Il est vrai que l'horizon blanchissait légèrement vers l'Orient et que le jour commençait à poindre déjà du côté des Gaules. Conan se détourna pour rapprocher les tisons. Il aperçut derrière lui un homme debout qui le regardait fixement, les bras croisés sur la poitrine. La clarté rougeâtre du feu se répandant sur lui illuminait les têtes de lion qui agrafaient ses sandales à mi-jambes, les lanières de cuir à mailles sonores suspendues à sa ceinture, la cuirasse en écaille qui supportait ses bras nus et, glissant faiblement sur ses épaules de fer, allait mourir sur son casque romain enrichi de reliefs précieux et d'un griffon couché, d'où s'élançait une ondoyante crinière rouge. Conan le regarda un instant en silence. « Qui es-tu ? » lui demanda-t-il enfin, car l'obscurité était encore assez profonde, malgré le lever du jour et la faible lueur du brasier, pour qu'on ne pût distinguer nettement les traits d'un homme debout. À cette interpellation, tous les jeunes Bretons, arrachés à leurs pensées, se détournèrent surpris. « Qui je suis ? » répondit l'inconnu. « Je croyais, Conan Meriadec, tu vois que je te connais, moi ?» qu'il y avait, au cœur de l'homme, un sens particulier qui lui annonçait la présence de son ennemi comme celle de sa bien-aimée. « Or, tu me maudis, jeune homme, tu me maudis, parce que ton oncle Octavius, le roi qui règne à Caer Lud, m'a donné avec sa fille le gouvernement de son royaume. « Maxime ? » ?»« Oui, c'est Maxime qui te parle, c'est Maxime lui-même qui vient te reprocher ta haine implacable et ton injuste ressentiment. » Crois-moi, jeune homme, nous avons assez versé de sang sur les bords du fleuve Tamisis. Es-tu donc jaloux, Conan ? Était-ce donc pour la fille d'Octavius que tu immolais ainsi tes frères et tes amis ? Eh bien, rappelle-toi cette vieille coutume de tes ancêtres, par laquelle la femme qu'épousait l'un d'eux servait incestueusement à tous les mâles de la famille. Va, ma tante, étancher la passion qui te dévore, et planter, si tu veux, à ma porte, le dard qui doit m'avertir de passer outre. Maxime, répondit dédaigneusement Meriadec, je n'arme point mes soldats pour conquérir des femmes, moi. D'ailleurs, la fille d'Octavius n'est point ma bien-aimée. C'est Darerea, la belle écossaise. Elle habite à la cour du roi Calphurnius, son père, au pays compris entre les deux murailles que vos empereurs Adrien et Sévère ont élevées dans le nord de l'île, contre les invasions des Calédoniens. Alors, reprit Maxime, avec un sourire railleur, c'est donc l'ambition qui t'aiguillonne. C'est la perte d'un trône que tu déplores. Insensé. Cesse de m'envier un royaume dégénéré dont les sujets corrompus m'ont offert eux-mêmes, par crainte, la couronne qui t'était destinée. Réjouis-toi du destin qui m'a rendu maître de ce pays. Viens ranger autour de mes aigles tous ces braves soldats que tu rassemblais pour me combattre. Je t'apporte la liberté de ta patrie. » Conan, qui tenait sa tête inclinée sur sa poitrine, la releva vivement. « Oui, continua Maxime, la liberté de ta patrie. Crois-tu donc que ce fut pour moi que j'acceptais le trône et que je me laissais porter en triomphe par de vils courtisans ? Non, non, il y a de la haine aussi au fond de mon cœur. Il y a là un affront à venger. Écoute bien, Conan, moi aussi, j'ai des droits à un empire si vaste que celui qui le gouverne, Gratien, a été obligé de s'associer un collègue. Et c'est Théodose, un Espagnol comme moi, un ancien soldat avec qui j'ai fait mes premières armes, qu'il a choisi pour cet honneur. Or, ce choix est indigne, parce que j'ai plus de droits que ce Théodose à la couronne, parce que les soldats m'aiment plus que lui, plus que d'eux, et qu'ils m'ont proclamé, dans cette île, empereur à leur place. Il me faut donc maintenant conquérir mon empire et justifier mes prétentions par les armes. Et j'ai accepté le royaume d'Albion parce que j'ai pensé que j'y trouverais de braves soldats qui me seconderaient dans mon entreprise et auxquels je rendrais en récompense la liberté. Conan, je t'ai vu souvent poursuivre avec témérité les loups qui venaient hurler autour de ta cabane. Tu es brave. Je t'ai vu souvent sur la pointe de ce roc, regarder d'un œil morne l'horizon qui couvre le sol de tes ancêtres. Tu hais l'esclavage. Eh bien, viens, laisse là ce pays affaibli et divisé. Suis-moi sur cette mer, sur le rivage qu'elle baigne vis-à-vis d'une autre. Je donnerai de la gloire et des périls à ton courage, de beaux pays et un trône à ton ambition. Range tes amis derrière mes cohortes, et bientôt tu seras maître et roi de la vieille terre où reposent tes aïeux. » À ces dernières paroles, Conan s'était levé. Ses amis l'imitèrent. « Dis-tu vrai, Maxime ? » demanda-t-il au Romain, en fixant sur lui un regard scrutateur et scintillant. « Par la lune qui guérit tout, si tu es druidique, répliqua Maxime. Par Jupiter, si tu es païen. Ou par le Christ, si tu es chrétien. Je jure de la vérité de mes paroles et de la sincérité de mes promesses. » « Alors, donne-moi ta main. » reprit Conan en tendant la sienne au général. « Quand seras-tu prêt ? Mes soldats attendent avec impatience le moment du départ. Dans 12 nuits, à l'heure où la lune descend le versant du ciel, tous mes amis que voilà amèneront leurs hommes. Ces hommes seront les miens. Merci. » Les deux chefs se serrèrent la main. Maxime se retira en côtoyant le bord de la mer. Les jeunes Bretons disparurent derrière les arbres de la forêt, dont le feuillage se colorait légèrement déjà des lueurs de l'Orient. Il ne resta plus sur le promontoire qu'un peu de cendre rouge, qui fuma quelque temps encore, et bientôt le soleil, se dégageant des brouillards de l'horizon, vint s'étendre seul sur la plage déserte, à la place de Conan et de ses amis. 2. La 12e nuit était arrivée. Et la lune, rendue au sommet de sa course, descendait déjà vers l'occident. Un grand bruit d'armes et de voix retentissait sur le rivage de la Cornouaille. C'étaient les troupes de Maxime et les guerriers albionnais qui, fidèles au rendez-vous, attendaient le jour pour le départ tant désiré. Les légions romaines, au nombre de 2 seulement dans l'île à cette époque, étaient rangées en bataille sur la droite. Habituées à une discipline rigoureuse, elles observaient le plus profond silence. D'après la nouvelle organisation introduite cette année-là même par Végès, chaque légion composée de 10 cohortes était rangée sur 2 lignes de 5 cohortes chacune. Les lignes avaient 6 rangs à 6 pieds de distance les uns des autres et chaque combattant occupait 3 pieds dans le rang, ce qui nécessitait un espace de terrain immense. Les 2 premiers rangs étaient formés des soldats de ligne, que les Grecs nommaient hoplites, dans leurs armées. Ils étaient couverts du casque, de la cuirasse, du bouclier et armés de l'épée espagnole ainsi que de 2 javelots, dont l'un avait 5 pieds, l'autre 3 pieds et demi de longueur. les troisièmes et quatrièmes rangs, armés de dards, de javelots, de flèches et de frondes, protégés seulement par des casques de cuir et des boucliers d'osier, recouverts de peaux de bêtes fauves, comprenaient les soldats d'infanterie légère appelés vélites. Le cinquième rang se composait des arbalétriers et des machinistes. Ces derniers étaient destinés à servir les catapultes et les balistes avec lesquels on lançait des pierres et des dards. Le sixième était formé des plus anciens soldats, armés de toutes pièces. Les cavaliers, rangés derrière, causaient entre eux, debout à la tête de leurs chevaux. Chaque cohorte contenait environ 500 hommes. Au milieu de la première, qui, par exception, en renfermait 1000, on remarquait l'aigle romaine, qui semblait couvrir tous ses défenseurs de ses grandes ailes dorées et étendues. Les préfets de cohorte, groupés çà et là devant le front de bataille, s'entretenaient à voix basse de la bonne tenue de leurs soldats et du désordre qui régnait parmi les troupes bretonnes. En effet, celles-ci, qui n'avaient point l'habitude de conserver d'ordre ni de rang, qui n'étaient soumises à aucune discipline, étaient aussi turbulentes, aussi confuses que celles des Romains étaient muettes et bien alignées. Tous les soldats s'étaient peint le corps en bleu, suivant l'usage, dans le but d'épouvanter les ennemis. Les uns étaient armés d'une longue épée d'airain sans fourreau sur laquelle ils s'appuyaient, la pointe renversée pendant les haltes. Les autres portaient à la main des arcs élastiques à cordes de boyaux et sur le dos des carquois abondamment pourvus de flèches empoisonnées. Quelques-uns tenaient des espèces de faux, appelés conives, emmanchés à de longs bâtons. Tous avaient au bras un petit bouclier rond, dont leur adresse seule pouvait rendre l'usage utile. La plupart avaient le corps enveloppé au hasard de peaux de bêtes fauves, mais ceux qui, habitant la partie la plus septentrionale de l'île, avaient des relations moins fréquentes avec les commerçants étrangers, étaient entièrement nus. Pour copier, quoique imparfaitement, la disposition de l'armée romaine, ils avaient rangé un peu en arrière des fantassins, ceux de leurs soldats qui avaient coutume de combattre dans des chariots. Une grande foule d'hommes, de femmes, de vieillards et d'enfants, accourus pour voir le départ et faire leurs adieux aux partants, augmentait encore la confusion en se mêlant parmi les soldats, ce qui faisait un contraste immense avec l'immobilité des légions romaines. Aussi ces vieux guerriers impassibles regardaient-ils ironiquement du fond de leurs yeux vifs et creux toute cette jeunesse folle et bruyante, tandis que les jeunes Albionnais ne pouvaient se lasser d'admirer la subordination de ces anciens soldats qui avaient déjà parcouru et vaincu le monde. Cependant un homme, richement armé, coiffé d'un casque tout brillant d'or, défendu par une cuirasse éclatante, revêtu d'un manteau de pourpre à longs plis, montait sur un cheval recouvert d'un riche tapis. Les selles et les étriers ne furent inventés que l'année suivante, couraient çà et là sur le rivage. Ils jetaient par intervalles un regard mécontent sur la lune qui baissait sensiblement. Cet homme était Maxime. Impatient, l'air inquiet, le général semblait chercher quelqu'un dans les rangs bretons, autour des groupes, derrière les chariots, au loin sur les rochers, et les officiers romains qui le suivaient se livraient aux mêmes recherches. Ses lèvres remuaient convulsivement, comme s'il eût prononcé des imprécations ou des menaces. Ses yeux scintillants roulaient avec courroux d'un angle à l'autre de ses paupières. Évidemment, quelque personnage important, nécessaire, attendu, manquait au solennel rendez-vous. Ce personnage, c'était Conan Meriadec. En effet, quelques instants après son entrevue avec Maxime, Conan avait quitté ses amis. Il s'était dirigé vers un groupe assez nombreux de huttes et de cabanes, disséminées sans ordre ni alignement et auxquelles on donnait le nom de Durauvergne. Douvres. C'était là que Meriadec s'était retiré dans son indignation contre son oncle Octavius, près duquel il habitait jadis à Caerlood. La ville de Durauvergne, alors une des plus belles et des plus commerçantes de l'île d'Albion, grâce à sa situation sur le bord de la mer, avait conservé néanmoins l'aspect étrange des cités de ce pays. Les maisons étaient faites de gazon et de troncs d'arbres, auxquels un reste de sève permettait encore une certaine végétation. Elles étaient toutes fort grandes parce qu'elles servaient ordinairement d'habitation à plusieurs familles à la fois. Alentour circulaient des poules et des oisons dont un reste de superstition leur défendait de faire leur nourriture. Une cohorte romaine, cantonnée dans les environs, augmentait le mouvement de cette sorte de bourg dans lequel on pouvait voir aussi les costumes caractéristiques des marchands des autres nations, accourus pour acheter de l'étain de Cornwall ou du cuir de Caerléon, Chester, ou des herbes médicinales préparées par les druides dans l'île de Mona. Anglesey. Conan traversa cette foule à grands pas et s'arrêta devant une cabane que son élévation, son étendue, sa forme ronde, plus aristocratique que la forme quadrangulaire et la force des palissades qui composaient ses murailles, rendaient remarquable parmi ses voisines. Il entra et secoua vivement un jeune homme, encore sans barbe et tout nu, qui dormait dans un des coins de l'habitation. « Debout, Alain, lui dit-il, debout, fainéant. T'ai-je donc fait acheter en Armorique sur le port de Canaan, près du Conquet, où tes parents t'avaient mis en vente afin de pouvoir payer leurs impôts pour que tu dormes ainsi plus longtemps que le jour? Allons vite, amène-moi ma jument noire d'Ibérie qui regarde fixement le soleil. » Conan monta de suite à cheval et s'élança comme l'éclair. Sa longue chevelure flottait derrière lui et la peau de chèvre qui lui couvrait les épaules clapotait bruyamment tant il dépassait dans sa course rapide la rapidité même du vent. À peine prenait-il le temps d'interroger l'écorce des arbres qui lui traçaient infailliblement sa route vers le nord, villes, forêts, rochers, torrents disparaissaient à ses côtés comme par enchantement, sans que la bonne jument ralentît son ardeur. Une écume blanche inondait la bouche du superbe animal, une fumée chaude et épaisse s'exhalait de tout son corps trempé et haletant. Lorsque quelque fleuve venait à couper sa route, Conan mettait pied à terre et passait le fleuve à la nage, suivant la coutume bretonne, entraînant son cheval par la bride derrière lui. Enfin, vers le quatrième lever du soleil, il entra dans l'antique forêt d'Alcloud. Comme elle annonçait une arrivée prochaine, il mit sa jument au pas pour la reposer. Tout à coup, un grand bruit se fit entendre dans les broussailles. Trois loups énormes sortirent du fourré, traversèrent la route et rentrèrent précipitamment dans le bois. Presque aussitôt, Conan entendit le galop de plusieurs chevaux. Le sien avait dressé l'oreille. En effet, trois cavaliers, armés d'arcs et de flèches, passèrent rapidement devant lui. L'un d'eux, plus en arrière que les autres, reconnut Conan et s'arrêta. « Salut, Mériadec, lui dit-il. Tu nous vois occupés à chasser les trois têtes de loup que nous devons apporter chaque année en tribut au roi de l'île d'Albion, ton oncle. » Sans quoi, tu sais que notre père, gouverneur de ce pays, ne pourrait plus exercer aucun emploi. Mais tes visites sont si rares et les loups si nombreux que j'abandonne avec plaisir la partie pour te voir et te serrer la main. « Merci, Sanan, » répondit Mériadec en avançant son cheval près de celui de son jeune compagnon. « Je viens faire mes adieux à la belle Darerea, ta sœur, et te proposer une noble entreprise au-delà des mers. » Et quand il eut communiqué au jeune Écossais les projets et les promesses de Maxime, celui-ci lui serra les mains en signe d'adhésion. Il lui promit d'être du voyage. Alors ils rencontrèrent, dans un endroit défriché de la forêt, un léger rempart de terre soutenu par des troncs d'arbres fort rapprochés et qui protégeait de son enceinte longue et circulaire une ville à peu près semblable à celle de Durhoven, mais entourée de palissades comme la ville de Caerlud, parce qu'elle était voisine du pays des Pictes et sujette à de fréquentes attaques. Ils y entrèrent et descendirent devant une grande cabane, à la porte de laquelle était attaché un gros dogue, comme ceux dont les peuples du Nord se servaient quelquefois à la guerre. Un homme d'une quarantaine d'années sortit et vint prendre la bride des chevaux. C'était un prisonnier de guerre, destiné jadis à être immolé sur les autels druidiques ou brûlé vif dans un panier d'osier en l'honneur de la déesse en date qui accordait la victoire, cet homme avait dû la vie à la charitable intervention du christianisme. Aujourd'hui, il était esclave. « Père, dit Sanan, en pénétrant dans la cabane et en s'adressant à un vieillard encore vigoureux qui aiguisait un dard sur un silex, je t'amène Conan, mon ami, et le fiancé de ma sœur, Darerea. » À ces paroles, un groupe de jeunes filles nues qui, couchées sur des peaux de bête fauve, s'occupaient à broyer de l'orge, détournèrent vivement la tête. L'une d'elles se leva et s'avança en souriant au-devant de Mériadec. C'était Darerea, la belle Écossaise. Ses grands yeux bleus brillaient d'ivresse, elle avait rejeté sa longue chevelure blonde derrière elle et saisit avidement la main que le jeune Breton lui avait tendue en entrant. « Salut, vieux Calfornius, » dit Conan, « et toi, bonne Conchèse, salut !» Ces derniers mots s'adressaient à une vieille femme qui semblait être la mère de tous ses enfants. Nous venons, reprit Sanan, vous faire nos adieux. Darérea tressaillit et interrogea d'un regard inquiet la physionomie de son fiancé. Quel étrange projet s'est emparé de toi, ô mon fils ? Demanda la vieille Conchèse. En ce moment, un cheval s'arrêta à la porte. Un jeune homme en descendit et entra en jetant à terre un des énormes loups qu'il venait de tuer. Il s'approcha de Conan et lui serra la main. « Salut, Patrice !» lui dit celui-ci. « Mère, répondit Sanan, c'est Mériadec qui m'a inspiré le projet qui vous afflige. Il s'agit de faire une descente en Gaule, d'en chasser les Romains et de reconquérir le pays de nos ancêtres. Oh, je veux suivre mon ami dans cette noble et périlleuse expédition. « Va !» dit le vieux Calfournius. « L'homme se doit d'abord à la patrie, et les âmes des amis qui meurent ensemble se retrouvent dans l'autre monde. « Je partirai aussi, » s'écria Patrice. « Mère, je ne laisserai point échapper cette occasion d'aller en Gaule, m'instruire plus à fond de cette belle religion chrétienne, près du célèbre évêque Martin, mon grand-oncle. Depuis longtemps, tu t'opposais à ce voyage, mais aujourd'hui, tu ne peux me refuser d'accompagner mon frère et son brave ami. » La vieille mère consulta du regard le visage de son époux et voyant qu'il approuvait également ce projet, « Que la volonté divine s'accomplisse, s'écria-t-elle, partez donc tous, puisque tel est votre désir, et que votre père, qui a droit de vie et de mort sur vous et sur moi, l'ordonne. Je resterai avec vos sœurs et votre frère, Lupit. »« Enfant, reprit le vieillard, quand partez-vous ? » ?»« À l'instant même, répondit Conan. L'armée s'embarque dans 6 lunes à compter de la prochaine. Nous n'avons que le temps de faire le voyage. »« Déjà ? » murmura la belle d'Arérea. « Console-toi, ma bien-aimée, je vais conquérir un présent de noces digne de toi, et nous nous unirons aussitôt que j'aurai à t'offrir pour Energep le sol de nos aïeux. »« Mériadec, ajouta Calfournius, ton entreprise est belle. Je suis fier d'y voir participer, mes fils. Nous partirons donc tous ce soir dans nos chariots, afin que ceux qui restent accompagnent le plus loin possible ceux que peut-être ils sont destinés à ne plus revoir. Mais auparavant, prenons un repas fortifiant, que mes filles servent le lait de nos bestiaux, et le patatos, ce légume délicieux de nos pays. Que Darérea verse dans nos coupes le courroux, cette nourrissante boisson qu'elle prépare elle-même avec de l'eau et de l'orge, et prions le ciel enfin pour le succès de l'expédition. » Il dit, et après le repas, le vieillard, les femmes et le jeune Lupit étant montés dans les chariots, Conan et ses 2 amis étant montés à cheval, la nombreuse famille se mit en marche. Mais le retour fut long. Les rivières arrêtèrent plusieurs fois les chariots. Il fallut chercher des passages guéables. De nombreuses forêts vierges opposèrent leur infranchissable barrière. Il fallut les tourner. Aussi, les voyageurs arrivèrent-ils beaucoup plus tard qu'ils ne l'avaient pensé. Et voilà pourquoi Maxime parcourait d'un regard inquiet le front de ses cohortes, les rangs des Albionnais et toute l'étendue de la plage. De temps à autre, il levait les yeux vers la lune qui achevait sensiblement sa course et vers ses vaisseaux qui semblaient piaffer d'impatience sur la mer. Il ne savait à quoi attribuer cet étrange retard. La crainte d'une trahison ou d'un parjure agitait involontairement son esprit et son embarras était extrême en présence des troupes bretonnes dont il ne savait que faire et du jour qui n'allait pas tarder à se montrer. Enfin, un grand tumulte s'éleva au milieu de l'armée insulaire. Des cris ébranlèrent les airs, la foule se porta en masse sur un seul point et s'ouvrit tout à coup pour donner un passage. C'était Conan et les chariots du vieil Écossais qui arrivaient. Le général romain se jeta précipitamment de ce côté. La vue de Mériadec calma toute sa colère. Il lui prit affectueusement la main. « Conan, dit-il, tu t'es bien fait attendre. J'étais allé chercher un présage dans ce regard bleu, » répondit le jeune Breton en montrant sa fiancée. « Il doit être heureux, » reprit Maxime. « Mais le temps presse, le vent est bon. Avisons au départ. » À l'instant, les clairons et les trompettes romaines retentirent. Toute la jeunesse d'Albion, devinant par instinct la signification de ces fanfares, se rangea en ligne et se soumit au silence en refoulant derrière elle la foule des curieux. Alors, on put voir le superbe spectacle de cette ligne immense dont les 2 extrémités se perdaient dans les ténèbres et dont une moitié, toute reluisante du reflet des casques et des cuirasses, contrastait si vivement avec l'autre, sombre mais gigantesque, composée qu'elle était d'hommes athlétiques et presque nus. Maxime jeta sur les épaules de Conan une toge rouge et le coiffa d'un casque d'airain. Il lui ceignit le corps d'une épée à 2 tranchants et le proclama général de l'armée bretonne. Un cri unanime accueillit cette proclamation, les fanfares recommencèrent, et au son excitant des timbales et des trompes, l'armée s'embarqua. Les légions se divisèrent en cohortes, chaque cohorte se partagea en 3 manipules, commandées par 2 centurions chacune, et elles montèrent sur les liburnes armées d'éperons pour défoncer les vaisseaux ennemis. La cavalerie, divisée en turmes, commandée chacune par 2 décurions, s'embarqua ensuite sur les galères, qui semblaient, avec leurs 3 rangs de rames, s'avancer comme de gigantesques cloportes. Enfin, après les derniers adieux, les échanges habituels de colliers et d'anneaux, les embrassements et les souhaits, l'armée bretonne s'ébranla à son tour et s'embarqua sur un grand nombre de navires du pays des Vénètes qui avaient été frétés pour l'expédition. Ces navires étaient fort remarquables par leur forme, leur solidité et leur grandeur. Ils étaient plats de fond afin d'échouer plus facilement sur les vases. Leurs proues, élevées comme des tours, recevaient le choc de la vague sans broncher. Leurs ancres étaient retenues par des chaînes de fer au lieu de câbles. Les voiles étaient faites de peau de bête pour mieux résister à la force de l'ouragan. Enfin, les cordages, les voiles et les vêtements des matelots eux-mêmes étaient peints en bleu, afin d'être moins aperçus de loin sur la mer. Une fois l'embarquement achevé, un dernier signal fut donné. Aussitôt les rames s'agitèrent, les mâts se courbèrent, et la flotte démarrée s'éloigna à la clarté du jour naissant. Longtemps des cris et des signes d'adieu partirent du rivage, mais quand tout eut disparu dans le lointain, derrière la brume et l'horizon, la plage redevint déserte et silencieuse. Dareréa, seul, assis sur un rocher, resta quelques instants occupé à suivre sur la mer un point noir encore visible pour elle, puis elle se leva, contempla, en soupirant, la multitude de pas empreints sur le sable, et quand elle regagna sa ville avec son père et sa famille, elle ne put retenir ses larmes en trouvant le pays si désert et tant de cabanes abandonnées.